Ce qui frappe surtout, c'est, comment dirais-je, la difficulté pour les travailleurs de saisir la réalité du pouvoir d'État au début d'une révolution qui semble victorieuse. L'apparence, et ce n'est pas une pure apparence, parce qu'autrement on aurait dit 10 millions d'ouvriers ou 8 millions d'ouvriers sont victimes d'une mystification, et ça nous conduit évidemment à une interprétation démonologique de l'histoire, ce n'est pas pure apparence. Apparemment, tout est réglé le 9 novembre 1918. Tout est réglé. Les ouvriers ont l'impression, et plus qu'une impression, qu'ils ont gagné. Les officiers sont disparus de la rue. La bourgeoisie a disparu de la rue. Le grand quartier général, il se trouve d'ailleurs à l'étranger, il se trouve à Spa. Et il semble avoir cédé, il semble... Un des événements les plus importants de la journée du 9 novembre, et qui explique pourquoi il y a eu si peu de morts, c'est qu'à un certain moment, je ne me rappelle plus exactement à quel moment, je crois à 9h du matin, il y a un message radio qui vient du grand quartier général à toutes les garnisons de Berlin et des grandes villes, cesser toute résistance armée. Bien. C'est très clair. C'est un ordre officiel qui vient de Ludendorff et de Hindenburg, qui ne vient pas de quelques sous-titres, qui vient de toute la direction de l'armée allemande. Cesser toute résistance. Les ouvriers, les soldats mutins sont maîtres de la rue, ils sont maîtres des armes. Ne commencez pas à vous battre avec eux, vous serez battus. C'est une leçon énorme, énorme, à tirer, je le répète, de l'expérience de presque toutes les révolutions prolétariennes. Je crois que le camarade Charles André vous a fait la description de ce qui s'est produit lors de l'occupation des grandes usines d'Italie du Nord, qui est exactement la même chose. Quelle est la tactique la plus intelligente de la bourgeoisie quand elle est sur le point d'être balayée dans un pays où la classe ouvrière représente ou entraîne l'immense majorité de la nation, c'est-à-dire où les rapports de force sont d'une manière écrasante en défaveur du grand capital, elle fait le gros dos. Elle se tait, elle se tasse, elle se tape, elle se cache, elle se retire. La pire erreur qu'elle peut commettre, c'est l'erreur qu'elle a commise en Espagne. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, prendre des millions d'ouvriers, et que de Gaulle n'a pas commise non plus en mai 68, parce qu'il était tout aussi malin que Giolitti, et tout aussi malin que messieurs Hindenburg et Ebert, c'est de commencer à tirer à tas de canons sur 10 millions d'ouvriers occupant leurs usines. Et alors, vous avez la prise du pouvoir dans les 48 heures. Vous avez la grande générale des ouvriers qui vont, par fureur et par indignation, prendre le pouvoir. Ça, ils ne font pas. Ils ne font... C'est ce qui est arrivé en Espagne, hein. Ça a été la réaction des ouvriers espagnols. Quand on prend de front une classe ouvrière mobilisée à fond, pleinement consciente de sa force et pouvant contrôler tout le pays, bien, on provoque évidemment un désastre pour son camp de classe. En général, ce n'est pas ça que font les bourgeois les plus intelligents politiquement. Ils laissent passer le moment le plus dangereux. De ce point de vue, pour eux, le 9 novembre était plus dangereux même qu'octobre 23. Nous disons que du point de vue de la conscience ouvrière, des rapports de force au sein de la classe ouvrière, la crise révolutionnaire décisive était en 23. C'est vrai, à ce moment-là, la majorité des ouvriers commencent à être communistes. Ils ont fait leur expérience avec le réformisme, ils comprennent, du point de vue théorique et politique, les problèmes. En novembre 18, la conscience de classe est à milieu de ces compréhensions. Mais du point de vue technique, le danger pour la bourgeoisie est infiniment plus grand en novembre 18. Son armée est détruite, en 23, elle a une armée. Son État a volé en éclats, en 23, elle a une armée. Il n'y a plus de gouvernement central, en 23, il y a un gouvernement central. Du point de vue technique, elle est passée à côté du danger suprême à ce moment-là. Alors, la grande tragédie pour la classe ouvrière, elle est double, comme je l'ai dit. D'abord, c'est que les ouvriers croient que tout est gagné, parce que, justement, l'adversaire se défend si peu et cède si facilement, donne l'impression de céder si facilement. Je pourrais raconter des milliers et des milliers d'anecdotes. Tout ce qui s'est passé dans chaque ville allemande pendant les journées de novembre reflète ça. Qu'est-ce qu'a fait M. Ebert, le dirigeant social-démocrate, si vous voulez, à côté de Noske, la canaille numéro un de la révolution allemande? Bien, ce n'était pas non plus un imbécile. Il n'a pas fait un appel public à l'armée pour commencer à tirer sur les ouvriers, ça aurait facilité les choses. Pas du tout. Il a couru derrière le train révolutionnaire, à toute vitesse, pour le rattraper en cours de route. Il n'a pas mal réussi. Il a fait une triple métamorphose en l'espace de 12 heures. À 7 heures du matin, il se présente à la chancellerie impériale et il dit « Nous exigeons que je sois nommé chancelier de l'Empire. Vous ne voyez pas qu'une révolution se prépare et que vous ne pourrez l'arrêter que si vous donnez le pouvoir à la social-démocratie ?» Évidemment, toute la bourgeoisie dit « Oui, oui, d'accord, nous te nommons chancelier d'Empire. » Entre-temps, quand même, la révolution ne s'arrête plus. À peine est-il sorti de la chancellerie qu'il y a déjà la grève générale, qu'il y a déjà les ouvriers armés en rue, qu'il y a déjà les casernes prises d'assaut. Alors il proclame la République et il se proclame chancelier de l'Empire, chancelier républicain et plus de l'Empire. Et même ça ne marche plus. Karl Kneck proclame la révolution de la République socialiste, les conseils d'ouvriers et de soldats prennent tout le pouvoir. Alors le soir, il dit « Nous sommes prêts à céder tout le pouvoir » à un conseil de commissaires du peuple, enfin ça s'appelle un conseil de mandatés, Volksbeauftragten, mandataires du peuple, mais on a pris le nom même par assimilation avec la révolution russe, et je suis prêt même à céder la présidence et toute la direction socialiste indépendant, et si vous ne voulez pas prendre toute la responsabilité, je serai modestement un des commissaires du peuple. Le chancelier de l'Empire s'est transformé en chancelier républicain, s'est transformé en commissaire du peuple en l'espace de 12 heures. En l'espace de 12 heures pour attraper le train en marche. Mais il a réussi la canaille, il a réussi le bougre. Hein. Ça lui a réussi l'affaire. On regardera par après tous les trucs politiques, toutes les machinations, toutes les opérations que les sociodémocrates ont utilisées pour réussir. Donc là, il y a un aspect de naïveté des ouvriers, qui est extraordinaire, qui est formidable. Naïveté, pas devant la défaite. Devant la défaite, les ouvriers, en général, ne sont pas naïfs. Ils sont très, très, très sobres et très réalistes. De naïveté devant la victoire, devant une victoire apparemment totale et incontestée. Le congrès des conseils d'ouvriers et de soldats, qui se termine par le transfert du pouvoir à un parlement bourgeois, qui se termine aussi par un grand cri, répété par toute la salle après avoir voté. Vive la République socialiste allemande, une indivisible et éternelle. Ils venaient de liquider la République socialiste et ils la font vivre. Et qu'est-ce qui s'est produit au début de la Révolution? Je vous ai dit, la nuit du 9 novembre, il y a la constitution d'un gouvernement révolutionnaire, formellement révolutionnaire, en dehors de la constitution bourgeoise, conseil des mandataires du peuple, pour ne pas dire commissaire du peuple. Il prend tout le pouvoir, à côté de lui il est coiffé d'un comité exécutif des conseils ouvriers et de soldats, donc d'un organisme soviétique qui est appelé organisme de contrôle du conseil des mandataires du peuple. Et la première chose que font les mandataires du peuple, c'est de dire, il est bien entendu que tous les fonctionnaires restent à leur poste, il est bien entendu que tous les sous-secrétaires d'État techniciens restent à leur poste, c'est-à-dire que tout le gouvernement bourgeois reste à son poste, et qu'il y a simplement 6 super ministres administrant un État bourgeois. Et comme, évidemment, l'Allemagne n'est pas la Russie, comme les fonctionnaires allemands, surtout de cette époque, ne se mettent pas si vite en grève, et avant que les fonctionnaires allemands se mettent en grève, il faut vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées, à cette époque, bien l'appareil d'État bourgeois continue pratiquement à fonctionner sans interruption, sans solution de continuité. Il y a tout juste le nom du gouvernement qui change, mais la machine continue à marcher. Sur le plan militaire, c'est même grotesque. C'est même grotesque. Le congrès des conseils d'ouvriers et de soldats vote une résolution, qui d'ailleurs n'est que le reflet de la réalité. Cette résolution comporte 2 points. Premier point, en matière militaire, tout le pouvoir est entre la main des conseils de soldats. Deuxième point, en matière de discipline militaire, le pouvoir de commandement reste entre la main des instances normales de commandement. C'est-à-dire tout le pouvoir est entre la main du conseil de soldats, 3 points, qui doivent, comme avant, obéir aux ordres des sous-officiers, officiers et officiers généraux. C'est évidemment grotesque, mais ça reflète de manière parfaite cette incapacité de comprendre qu'on ne peut pas simplement utiliser en la coiffant avec une casquette à la place d'un chapeau de forme, l'appareil d'État bourgeois tel qu'il existe avant, mais qu'il faut détruire cet appareil et le remplacer par un autre appareil centralisé qui fonctionne comme un véritable appareil d'État au niveau national. Ça, ça a été, du point de vue technique, du point de vue institutionnel, le début de la fin qui commence presque les premières heures de la Révolution. Vous lirez dans le texte de Lucquenay un des épisodes décisifs du mois de novembre 1918. Il y a une assemblée des conseils ouvriers. Liebknecht arrive. Il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Si au début de la réunion, il fallait proposer une motion, nous désignons le camarade Liebknecht comme président de la République socialiste allemande ou comme chef du gouvernement de la République socialiste allemande, la motion aurait été votée à la quasi-unanimité. Il commence à prononcer un discours qui est une longue dénonciation des crimes de la social-démocratie d'entre 14 et 18. Plus il parle, plus il est minoritaire. Quand il a terminé de parler, c'est déjà perdu. Les sociaux-démocrates ont déjà la majorité dans la salle. Ils n'ont même pas dû ouvrir la bouche. C'est-à-dire que tous ces crimes commis par les sociaux-démocrates, par tous ces trucs que j'ai indiqués, enfin, par tous ces manœuvres que j'ai indiquées, c'est-à-dire opération avec l'ennemi de classe, mouchardage, ce sont des crimes qui sont perçus et compris, je dirais même plus connus que par une infime minorité, par ceux qui l'ont supporté, pas par la grande masse. Comment voulez-vous que la grande masse ne sache quelle était la littérature révolutionnaire, sa diffusion pendant la guerre? Quelques dizaines de milliers d'exemplaires dans un pays de 70 millions d'habitants qui connaissaient toutes ces choses-là. Et croit-on qu'il suffit de faire un discours de dénonciation pour faire changer d'allégeance politique des millions de gens? Évidemment non. Il fallait comprendre qu'il fallait commencer une bataille politique pour détacher la classe ouvrière de la social-démocratie. Pas simplement une dénonciation flamboyante et enflammée. Et dans ce sens, la manière dont les révolutionnaires ont encaissé, je ne leur fais pas un reproche, nous connaissons tout ça, nous avons répété la même chose avec les staliniens, c'est compréhensible. Quand on a assassiné les trotskistes, quand on a fait les procès de Moscou, quand on a assassiné Trotsky, évidemment, un sentiment d'indignation, de haine contre le stalinisme s'est développé dans l'avant-garde révolutionnaire. Quand il y a eu pire, les crimes contre la révolution espagnole, les crimes contre la révolution française et italienne, nous avons tous appris à détester, à haïr la bureaucratie stalinienne. C'était juste, comme c'était juste d'haïr la bureaucratie réformiste à cette époque. Mais une chose est que nous la détestons et nous la haïssons, et autre chose est la manière dont il faut transférer cette compréhension à de centaines de milliers d'ouvriers communistes. Et pour cela, évidemment, la dénonciation, le simple récit des événements, la répétition des crimes historiques, ça ne suffit absolument pas. Ça touche une infime minorité. Il faut tout autre chose pour faire pénétrer cette conscience dans une couche plus large. Et ça, c'est évidemment une tâche infiniment plus difficile, qui est une tâche de stratégie et de tactique politique qu'on apprend petit à petit par l'expérience, qu'on n'obtient pas comme ça, et que les communistes allemands n'avaient pas en 18, pas plus que nous l'avions en 33, 36 ou en 44. Mais le pire des trucs, et contre lequel les révolutionnaires sont le plus désarmés, c'est le truc unitaire. Le premier discours que font les réformistes, nous sommes tous frères, nous avons fait une révolution victorieuse, regardez comme elle est magnifique, il y a eu moins de morts qu'un dimanche, il y a de morts par accident sur la route, nous avons fait une magnifique révolution victorieuse, pacifique, nous allons montrer au monde qu'on peut construire une nouvelle société sans effusion de sang, restons tous unis, restons tous unis. Ça a un écho immense chez les ouvriers, même les ouvriers les plus avancés. Et les révolutionnaires qui commencent à s'opposer à ce courant, en le prenant aussi frontalement, comme l'ont fait, le camarade Liebknecht, Rosa était beaucoup plus maligne à ce sujet, mais elle-même, elle a utilisé des formules extraordinaires. Je reviendrai dans un instant à ce sujet. Malgré son sens tactique beaucoup plus fin, elle aussi, elle avait l'injure à la bouche, l'écume à la bouche. On ne pouvait pas ne pas la voir face aux crimes des sociaux-démocrates, mais il fallait comprendre comment l'articuler de manière compréhensible pour la masse. Et je dis, quand des révolutionnaires répondent au discours unitaire en disant « Non, nous ne sommes pas tous des frères, il y a des traîtres parmi nous, la moitié des gens ici présents sont des canailles et des assassins », bien, le clivage se faisait d'une manière inévitablement défavorable pour les révolutionnaires qui risquaient d'être isolés, qui se faisaient isoler non seulement par la manœuvre de l'adversaire, mais par leur propre enfantillage, leur propre incapacité de répondre par la manœuvre à la manœuvre, par la tactique à la tactique, qui opposait les principes à la tactique. On ne peut pas triompher avec ça, en proclamant les principes généraux et abstraits face à des manœuvres d'adversaires extrêmement malins. Alors, les sociodémocrates, en dehors du truc unitaire, ils ont utilisé trois ou quatre autres trucs qu'il faut comprendre. C'est le chantage à l'intervention de l'étranger. Ça, c'est un truc classique, c'est particulièrement perfide de leur part. Voilà des gens qui s'étaient battus pendant 4 ans à côté de leur propre impérialisme, disant pique-pendre des impérialistes du camp adverse, et qui brusquement, au moment de la révolution, disent nous ne pouvons survivre sans l'aide de l'Angleterre et de l'Amérique. Si on fait la révolution ici, Wilson va nous couper les vivres, nous n'aurons plus rien à manger, nous n'aurons plus de matières premières. Il faut absolument rétablir l'ordre tout de suite. Si nous ne rétablissons pas l'ordre, il n'y aura pas un train de nourriture qui arrivera en Allemagne et tout le peuple allemand mourra de faim. Nous verrons après-demain, quand la révolution espagnole, on a utilisé des arguments tout à fait du même genre, c'est-à-dire terroriser les ouvriers avec l'intervention étrangère et se présenter comme les seuls interlocuteurs valables des puissances étrangères qui ne discuteraient jamais avec la révolution, mais qui, avec des sociaux-démocrates et avec une république démocratique et avec un conseil, avec une assemblée constituante, se mettraient à discuter. Autre argument, c'est l'argument du chaos économique interne. C'est un argument classique de la social-démocratie et qui a été repris par les centristes. Sur ce point, il y avait fusion, bloc, entre les indépendants et, sauf l'extrême-gauche des indépendants, qui va rejoindre après le Parti communiste, et les sociaux-démocrates. Il faut socialiser, d'accord, mais c'est une entreprise sérieuse, organisée. On ne socialise pas comme ça. On ne détruit pas d'abord un appareil industriel pour après en reconstruire un autre. C'est courir à la catastrophe. Il faut garder intact l'appareil industriel. Ouvriers, vous êtes maintenant au pouvoir. Ne faites pas grève contre vous-même. Qu'est-ce que c'est que cette vague de grève? Vous êtes en train de vous affamer vous-même. Ces usines vous appartiennent déjà. Alors remettez-vous au travail. Vous travaillez pour votre propre compte maintenant. Etc., etc. Cet argument a profondément porté, il a d'autant plus porté qu'effectivement, du côté révolutionnaire, on ne lui opposait rien de valable. C'est-à-dire, contre l'argument de la centralisation bourgeoise, l'argument de la centralisation ouvrière, il faut un plan socialiste, tout de suite pour ça un gouvernement ouvrier, bien, c'est un argument qui porte sur un débat. Mais si on répond simplement à cet argument, vous laissez faire la spontanéité du peuple, les ouvriers ont été opprimés pendant si longtemps, maintenant ils doivent être libres de faire ce qu'ils veulent, c'est un argument qui n'est pas très convaincant, parce qu'alors les sociaux-démocrates paraissent être les gens de bon sens qui disent oui, les ouvriers veulent être libres, mais ils veulent aussi manger, ils veulent aussi se chauffer, on est en plein hiver, est-ce qu'avec les discours vous allez leur apporter la nourriture, est-ce que vous allez leur apporter le charbon, etc., etc. Là, évidemment, l'argumentation portait, les sociaux-démocrates paraissaient comme des gens pratiques, comme des gens réalistes, comme des gens organisateurs contre les faiseurs de discours, les utopistes, les rêveurs, les romantiques révolutionnaires. Une des manœuvres les plus scandaleuses, les plus ignobles, c'est le vote par le Congrès des conseils ouvriers de soldats à l'unanimité. Sur la proposition d'Hilferding, qui est le rapporteur, et si vous voulez, le représentant de la droite des centristes, des socialistes indépendants, mais les sociaux-démocrates font semblant de s'opposer d'abord, puis se rallient, et le truc est voté dans l'unanimité et l'enthousiasme. Nous donnons mandat au Conseil des mandataires du peuple de commencer tout de suite la socialisation de l'industrie. Et alors, l'Allemagne se couvre d'affiches sociaux-démocrates qui mènent d'ailleurs leur campagne électorale pour les élections de l'Assemblée constituante, essentiellement avec ce mot d'ordre, la socialisation est en marche, l'acquis de la révolution est là, nous avons la démocratisation du pouvoir, donc nous aurons la majorité, nous commençons à prendre les usines, surtout les mines de charbon, la grande industrie lourde, c'est avec ça qu'on commence à socialiser, donc la révolution est terminée, Le pouvoir politique est acquis, le pouvoir économique est acquis, tout est réglé. C'est une tromperie totale. Il n'y a rien qui est fait pour socialiser quoi que ce soit. À l'Assemblée constituante, il y a une majorité bourgeoise. Aucun décret sur la socialisation est voté. Même les décrets sur le contrôle ouvrier par les conseils ouvriers ne sont pas votés. C'est la restauration, en l'espace de quelques semaines, du pouvoir capitaliste pur et simple. Donc c'est une opération de tromperie, comme je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, qui n'a pas passé comme une lettre à la poste. Là, les sociaux-démocrates ont payé un prix très cher. Sur la question politique, il y avait la confusion. Et là, ils n'ont pas payé un prix très lourd. Sur la question économique, il y avait moins de confusion. Quand on parlait aux mineurs de la socialisation des mines, ils comprenaient de quoi il s'agissait. Ça n'était pas une rêverie. Et quand ils se sont aperçus, après quelques semaines, que les patrons étaient de nouveau en place et qu'ils travaillaient de nouveau pour le compte des patrons privés, alors il y a eu une indignation colossale. Et là, la social-démocratie a payé un prix très très lourd. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont en réalité, par suite de cela, perdu très rapidement la majorité dans les syndicats au profit des centristes, au profit du Parti Socialiste Indépendant. Mais dans les semaines décisives, la tromperie a marché. Pourquoi est-ce que je dis que les sociaux-démocrates étaient à cette époque vraiment des canailles, des traîtres au sens littéral du terme? Parce que toutes ces manœuvres, toutes ces opérations-là, c'était des opérations de mauvaise foi. Quand ils criaient « la socialisation est en marche », ils n'y croyaient pas un seul instant. Quand ils criaient « vive la révolution socialiste allemande », ils n'y croyaient pas un seul instant. Ça, ce n'est pas une affirmation que je fais subjective. Nous savons aujourd'hui, par les documents historiques publiés, qu'au même moment où ils faisaient ces serments, ils établissaient une ligne télégraphique permanente avec le grand quartier général de l'armée, qu'il n'y avait pas une seule décision qu'Ebert a prise pendant cette période sans se consulter préalablement avec les chefs de la contre-révolution, que tous leurs calculs étaient concentrés sur le fait d'amener à Berlin des troupes contre-révolutionnaires pour désarmer les ouvriers, c'est-à-dire, c'est, dans ce sens, le mot traître a toute sa signification. C'est des gens qui trompent les travailleurs pour réaliser un plan contre-révolutionnaire délibéré. En novembre, décembre, janvier 18-19, ça existe. Il y a un plan contre-révolutionnaire tout à fait précis. Vous connaissez la fameuse formule, il y a des témoignages précis. Même les gens le comprennent eux-mêmes, se comprennent eux-mêmes comme ça. Noske a utilisé la fameuse formule. Il y a, dans une situation comme celle du désordre qu'il y a en Allemagne, il y en a au moins un qui doit avoir le courage de jouer le rôle du chien sanglant. Bien, ce sera moi qui sera le chien sanglant. Et ça, il n'a pas dit au congrès des conseils ouvriers, évidemment. S'il avait dit ça, il aurait été chassé, il n'aurait pas pu jouer le rôle de chien sanglant. Il l'a dit dans des réunions internes de son parti, et il a menti aux ouvriers. Il a dit le contraire aux ouvriers de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils préparaient. Dans ce sens, le terme de trahison est évidemment tout à fait appliqué. Après les massacres de janvier, après l'assassinat de Rosa et de Karl, après les assassinats pratiquement ininterrompus de militants révolutionnaires tout au long de l'année 1919, après le massacre des ouvriers d'Allemagne centrale en mars 1921, l'affaire est replacée dans un contexte historique. Les ouvriers commencent à comprendre qu'à une époque de révolution et de contre-révolution, on ne peut pas appliquer les critères d'une époque pacifique. Si on veut honnêtement apprécier les rapports de force, à la veille de l'insurrection de janvier, on doit dire l'extrême-gauche, c'est surtout l'extrême-gauche du Parti Socialiste Indépendant, parce que Spartacus, c'est tout à fait secondaire, l'extrême-gauche à l'appui à des millions de Berlinois. Ça s'est montré par des manifestations. Évidemment, sur ces 2 millions, il n'y a que 10 000 qui sont armés, 15 000 qui sont armés, qui ont face à eux une force contre-révolutionnaire concentrée de dizaines de milliers d'officiers et de soldats entraînés. C'est un combat inégal, déjà condamné à la perte. Mais même s'ils n'étaient pas condamnés à la perte à Berlin, manifestement, c'était mettre l'avant-garde de la classe ouvrière allemande de Berlin en porte-à-faux avec le reste de la classe ouvrière. Le reste de la classe ouvrière, c'est-à-dire 8 millions, 9 millions d'ouvriers, ils sont à milieu de comprendre l'insurrection armée. Ils vont voter social-démocrate. 46% des électeurs vont voter social-démocrate. 4 ou 5% vont voter Parti Socialiste Indépendant quelques jours après. Donc c'est une relativement encore, même ces 500 000, si on les prend comme bloc, c'est une petite minorité dans l'ensemble du pays. Donc de ce point de vue, cette insurrection est une erreur, et même une erreur catastrophique. Mais c'est une erreur, à laquelle on n'échappe pas facilement, à laquelle un parti révolutionnaire, une avant-garde révolutionnaire ne peut pas facilement échapper. On peut écarter d'un geste de la main un projet de putsch de 300 personnes. Mais quand de dizaines de milliers d'ouvriers veulent en découdre, veulent se battre, montrent une impatience révolutionnaire pour un parti qui se veut révolutionnaire, leur dire « Eh, la patience tactique d'acier, comment dit-on, c'était facile à écarter. » Comment les conseils ouvriers sont-ils élus à l'allemande, c'est-à-dire d'une manière extrêmement ordonnée. C'est d'ailleurs un truc, vous connaissez tous ces fameuses anecdotes qu'on raconte, que des manifestations armées d'ouvriers arrivaient à des gares sur lesquelles il est marqué « interdit de passer sur le quai ». On fait le détour, on ne fait pas la révolution en désordre. Alors, l'élection, il y a un communiqué, donc le conseil exécutif des conseils ouvriers de Berlin, dirigé par le camarade Richard Müller, dont j'ai dit tant de bien, c'est-à-dire un des dirigeants principaux des hommes de confiance révolutionnaire dans la métallurgie berlinoise, je crois le 18 novembre, je peux vous donner la date, peu importe, fin décret. Dimanche prochain, dans toutes les usines d'Allemagne, seront élus des conseils ouvriers sur la base d'un délégué par 5000 ouvriers et dans les plus petites entreprises qui se regrouperont. Et c'est comme ça que ça se fait. Le congrès est élu comme ça. Évidemment, on peut dire que je simplifie parce qu'avant, il y a eu des élections chaotiques, il y a eu même des désignations chaotiques pendant les journées de la révolution, de l'insurrection proprement dite, le 6, 7, 8, 9 novembre. Après, tout rentre dans l'ordre. Pour avoir un congrès national, il faut avoir l'égalité. On ne peut pas avoir... C'est d'ailleurs un élément, même en Russie, ça a joué. Il ne faut pas rigoler trop avec ça, parce que c'est un élément qui autrement permet toute la manipulation. Vous pouvez avoir des usines de 200 ouvriers qui envoient autant de délégués que des usines de 20 000. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un élément d'objectivité. Mais en Allemagne, vu la tradition et la discipline de la classe ouvrière, et vu aussi, ça il faut l'ajouter, l'énorme implantation de ce réseau d'hommes de confiance révolutionnaire, tout ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, les élections sont faites exactement d'après cette règle et il n'y a peu de contestation. Croire qu'une révolution prolétarienne est par définition chaotique, désorganisée, anarchiste, sans capacité d'autodiscipline, c'est stupide et c'est faux. Tous les marxistes ont toujours su et toujours répété que par toute la nature de la classe ouvrière, par tout ce qu'elle apprend et dans ses organisations industrielles, dans l'usine et dans ses organisations de masse, elle tend à des excès de discipline et d'ordre et pas à des excès d'anarchie, de chaos, de désorganisation. Et en Espagne, nous allons retrouver exactement la même chose. Les comités sont mis en place après 48 heures, 3-4 jours, personne ne les conteste. Ils sont reconnus par tout le monde, ça fonctionne comme si c'était une institution acceptée par la quasi-totalité de la société, parce que tout le monde sent qu'il y a une telle force derrière que c'est pratiquement suicidaire que d'aller se heurter à ça de front. Alors, la bureaucratie syndicale se trouve à l'extrême droite du mouvement ouvrier, déjà avant la guerre, mais... Il ne faut jamais oublier que la structure du mouvement ouvrier de cette époque est totalement différente de la structure actuelle. Enfin, quand je dis totalement différente, pour la France, ce n'est pas tellement différent, mais pour les autres pays d'Europe occidentale, oui. Parce que la classe ouvrière est peu syndiquée. Dans les syndicats, il y a une minorité tout à fait réduite de la classe ouvrière. Je donne quelques chiffres. Le Parti communiste, le Parti socialiste allemand, donc social-démocrate allemand, compte... avant la guerre, plus d'un million de membres. Et dans les syndicats, il y a à peine 2 millions de syndiqués. Le Parti social-démocrate va avoir, en 1919, 7 millions de voix. 7 millions de voix, 2 millions de syndiqués. Vous voyez les rapports. Alors, la classe ouvrière allemande, enfin le nombre d'ouvriers et d'employés industriels, disons même en dehors du commerce, industriels, les transports, je ne connais pas le chiffre par cœur, mais ça ne doit pas être très loin des 10 millions. Alors, 2 millions de syndiqués sur 10 millions, les fonctionnaires ne sont pas syndiqués, les services publics ne sont pas syndiqués, les cheminots sont syndiqués parce que les chemins de fer avaient une tradition privée. Bien après, ça a été nationalisé, on a accepté que les structures privées restent, mais c'est le seul secteur. Les enseignants ne sont pas syndiqués. Pratiquement toute la fonction publique en dehors des cheminots n'est pas syndiquée. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, la bureaucratie syndicale a une fonction qui est assez différente de la fonction qu'elle a aujourd'hui dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Et dans une crise révolutionnaire caractérisée par une activité de très large masse, son efficacité est très petite, très petite. D'ailleurs, il va se produire le phénomène classique. En 1919, il va y avoir une vague massive de syndicalisation comme premier résultat de la montée révolutionnaire. Les ouvriers, par millions, viennent maintenant au syndicat. Je crois que le nombre de membres passe de 2 millions à 5 ou 6 millions en l'espace. Et alors, sur cette masse de syndiqués nouveaux, sauf dans les régions les plus arriérées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans la petite industrie, l'emprise de la bureaucratie est petite. C'est la période dans laquelle la gauche syndicale conquiert les syndicats. Et qu'il y a des phénomènes étonnants. La gauche du Parti Socialiste Indépendant conquiert le syndicat des métallurgistes qui compte 2 millions de membres. C'est la seule fois dans l'histoire du mouvement ouvrier occidental que ça s'est produit. Ça ne s'est jamais produit avant et ça ne se produira plus jamais après. Antimilitarisme, tradition chez les marins, il ne faut pas exagérer. Ça a été un phénomène très réduit, très réduit. Il y a eu quelques événements. Petits événements de mutinerie, d'aide à des déserteurs, mais ça peut se compter sur les doigts. Il n'y a rien de comparable à la situation d'aujourd'hui. Les armées de cette époque, et surtout l'armée allemande, plus que n'importe quelle autre armée, c'était un modèle de discipline et de cohésion par rapport aux armées actuelles. Et les phénomènes de rébellion, de mutinerie, ou même de contestation sont des phénomènes tout à fait marginaux. C'est-à-dire que ça concerne quelques individus. Comme d'ailleurs le travail des organisations de masse, y compris des centristes, après leur constitution dans l'armée, c'est absolument inexistant. Liebknecht avait essayé avec les jeunesses socialistes avant la guerre de faire quelque chose, mais la guerre a cassé ça, la répression aussi était beaucoup plus dure que maintenant, beaucoup plus dure. N'importe qui qu'on découvrait comme agitateur socialiste à l'armée, il était envoyé en prison, il était envoyé au front. Il ne faut pas non plus oublier que c'était la guerre, on envoyait systématiquement les gens en première rangée du front. C'est-à-dire que un travail organisé dans l'armée, sauf dans la période immédiatement avant l'insurrection, c'était minime. Oser prendre contact avec un soldat et lui passer un journal légal d'une organisation ouvrière. C'est considéré, même ce petit fait est considéré comme un acte d'insubordination extraordinaire. Donc il ne faut pas exagérer vraiment cet effet. Évidemment, ça change à la veille de la Révolution. À la veille de la Révolution, oui, il y a des mutineries qui commencent, il y a un travail systématique qui est fait par les... surtout, de nouveau, par les hommes de confiance révolutionnaire. Et eux, ils essayent... Là, l'administration militaire commet une erreur, mais c'est l'erreur classique de toutes les contre-révolutions dans des phases de révolution montante, c'est-à-dire en mobilisant systématiquement les ouvriers révolutionnaires de Berlin après la grève générale de janvier, en les envoyant à l'armée, ils introduisent évidemment le ferment révolutionnaire dans l'armée, et comme déjà l'atmosphère a changé dans les mois précédant la révolution, donc les mois de septembre, octobre, si vous voulez, là, il commence à y avoir un travail d'agitation plus large. Au même moment, presque, où les dirigeants des conseils ouvriers se trompent sur l'appui qu'ils vont recevoir sur une épreuve de force armée avec la contre-révolution, les dirigeants de Spartacus aussi se trompent, et beaucoup plus grièvement encore, sur leur perspective organisationnelle. J'avais dit que Rosa Luxembourg hésitait de quitter le Parti Socialiste Indépendant. On peut discuter le bien fondé ou non, ça, c'est à côté de la question. Je crois qu'il était nécessaire dans une situation révolutionnaire d'avoir un pôle révolutionnaire indépendant. Ça, c'est évident. Mais sur l'ampleur de ce pôle, les camarades se sont trompés totalement, et se sont trompés par suite aussi d'une expérience limitée. C'est-à-dire, en préparant le congrès de fondation de Spartacus, ils lançaient des meetings à Berlin, et aussi dans deux ou trois villes de province, notamment Chemnitz, Leipzig, Stuttgart, c'est-à-dire là où il y avait un minimum d'implantation ouvrière de masse de la part de dirigeants communistes. À Berlin, la réponse a été colossale. Le premier meeting s'était convoqué dans une salle comme la salle de la mutualité, disons, et il y avait quelque chose comme 15 à 20 000 personnes qui sont arrivées. Ils n'ont pas pu caser les gens, ils ont dû, comme à ce moment-là, on n'avait pas les micros et tout le bazar que nous avons maintenant, ils ont dû diviser le meeting en quatre, faire le meeting en quatre différentes salles pour pouvoir parler à tout le monde. Alors, évidemment, ils ont eu l'impression, sur la base de ça, qu'ils vont créer un parti de masse. Ils se sont totalement trompés. C'est pas moi, le nombre de leurs adhérents à Berlin était inférieur à 1000, malgré ces énormes meetings. Donc, ils ont commis une erreur d'appréciation totale, mais dans une situation révolutionnaire, ce sont des choses qui arrivent parce qu'on est obligé, la situation change tous les jours, on est obligé de se baser sur des impressions, et les impressions, c'est ça le propre d'une situation révolutionnaire, peuvent être extrêmement trompeuses. Je donne un deuxième exemple, c'est l'exemple classique d'ailleurs qu'on cite toujours, celui-là positif. Je ne sais pas si vous avez jamais lu, je crois que c'est en appendice des œuvres complètes de Lénine, du moins la quatrième édition, la troisième et la quatrième édition, la dernière édition, ça ne se trouve plus. Il y a le compte-rendu sténographique de la dernière réunion du comité central du parti bolchevique à la veille de l'insurrection d'octobre. C'est un document extraordinaire. Tous les orateurs, sans aucune exception, qui parlent des villes de province, disent « c'est une aventure stupide, c'est raté ». Nous n'avons pas d'appui de masse, les masses sont passées chez les anarchistes, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de cadre, nous n'avons pas de force. C'est tout le monde donne des rapports comme ça. Et après, vous savez ce qui est arrivé, enfin, 24 heures après, l'insurrection triomphe avec une facilité, une quasi-unanimité dans le pays qui est vraiment déroutante. Alors là, vous n'avez pas affaire avec des blancs-becs, vous avez affaire avec de vieux cadres révolutionnaires qui étaient implantés dans la classe ouvrière depuis 20 ans, qui connaissaient à fond la vie des usines, qui étaient chers de la chair de la classe ouvrière russe, je dis depuis 20-25 ans, et qui se sont trompés d'une manière aussi grossière 24 heures avant l'insurrection. C'est la raison principale pour laquelle Trotsky a dit à plusieurs reprises que si lui et Lénine n'avaient pas été là, vraisemblablement, l'insurrection n'aurait pas eu lieu, je le crois. Il suffit de lire ce compte-rendu pour s'en apercevoir, pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec le centrisme, avec les hésitations, simplement une perception incomplète, pointilliste et impressionniste de la réalité immédiate dans les usines. L'appréciation des cadres du parti était totalement fausse. Enfin, ils ne disaient pas que la révolution est sur son recul, c'est pas ça. Ils ne se sont pas trompés de blanc en noir. Alors ça, dans ce cas-là, ça aurait été beaucoup plus grave. Ils étaient trop liés à la classe, ils comprenaient le mouvement fondamental, mais ils avaient une appréciation beaucoup trop pessimiste sur, si vous voulez, le moment. Donc, en réalité, ce que les cadres du parti croyaient être un début de passivité et de recul conjoncturel, c'était au contraire la concentration des forces latentes pour la bataille décisive et pour le signal pour un combat décisif qui, quand il a été donné, eh bien, la classe ouvrière a répondu d'une manière totale, il n'y avait pas de problème. Voyons maintenant la question du centrisme. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les camarades qui disent qu'il n'y a pas un centrisme, mais qu'il y a des centrismes. Trotsky a fait toute une série de distinctions. Je rappelle en passant qu'il y a la différence du centrisme qui passe de droite à gauche, c'est-à-dire de la social-démocratie au communisme, et du centrisme qui passe de gauche à droite, du communisme à la social-démocratie. C'est évidemment deux mouvements complètement, diamétralement opposés, mais qui peuvent se rencontrer conjoncturellement, momentanément, au même endroit. Alors, on dit que ce sont deux courants centristes. L'un, c'est un courant progressif, l'autre, c'est un courant de recul. Il faut distinguer, disons, le centrisme juvénile et le centrisme sénile. Le Parti socialiste indépendant, surtout la gauche, la base de masse de 17, 18, 19, c'est un centrisme juvénile, c'est un centrisme par manque d'expérience révolutionnaire. Le Parti socialiste ouvrier, l'organisation centriste beaucoup plus réduite d'ailleurs, qui sera créée en Allemagne en 31, 32, 33, c'est un centrisme sénile, qui répète après 15 années d'expérience de la révolution allemande, les mêmes erreurs, les mêmes formules, les mêmes ambiguïtés. Évidemment, beaucoup moins d'excuses. Inutile de faire un dessin à ce sujet. Alors, il y a toute une série de centrismes. Il y a le centrisme de droite, il y a le centrisme de gauche, et c'est une catégorie comme la catégorie, une autre catégorie, si vous voulez, malheureuse ou tragicomique, du bonapartisme, qui tombe dans la même catégorie. Il y a 25 variantes du bonapartisme, comme il y a 25 variantes du centrisme, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Néanmoins, il faut utiliser ces catégories, il faut utiliser ces concepts, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que malgré toutes les variantes et malgré toutes les différences, il désigne quand même quelque chose de tout à fait précis. Bien, je me suis sans doute mal expliqué, exprimé, comme vous le savez, le français n'est pas ma langue maternelle, quand j'ai parlé de projet politique, centriste. J'ai voulu dire, le centrisme c'est un courant politique. Projet politique, effectivement, c'est pas correct. Alors, hors des problèmes linguistiques, je fais mon autocritique humble. Le mot projet est faux et créer la confusion, c'est courant politique, il faut simplement dire. C'est-à-dire, le centrisme, c'est un courant politique défini. Et c'est d'ailleurs ça le dénominateur commun de toutes ces histoires différentes qu'on a signalées. Quelle est la définition de ce courant? Bien, c'est un courant qui se trouve à gauche du réformisme, qui assume sur le plan des idées et de la projection programmatique la nécessité de la révolution socialiste, du renversement de l'État bourgeois, et qui se distingue en quoi du marxisme révolutionnaire? Qui se distingue en partie, mais pas toujours, dans la clarté de la formulation programmatique du but. Ça serait le cas de la droite du PS indépendant allemand, pas du PUM. Quelquefois, par une distance très nette entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire la théorie étant révolutionnaire, la pratique étant réformiste, ça c'est encore le cas du centrisme de droite, quelquefois, ça c'est le centrisme sous sa forme la plus pure et à la fois la plus tragique et la plus pernicieuse, sous la forme d'hésitation, c'est le type classique de centriste, comme Trotsky le décrit dans l'histoire de la révolution russe. C'est Martov, qui est une grande figure de l'histoire du mouvement ouvrier russe, par beaucoup d'aspects, une des figures les plus impressionnantes, c'est d'ailleurs pour lequel, comme vous le savez, Lénine avait un respect énorme, immense, par sa capacité théorique d'analyse et de flair politique, et qui se caractérise par quoi? Ça, c'est la caractéristique fondamentale du centrisme, l'indécision devant l'action décisive, c'est-à-dire l'hésitation, la vacillation, la tergiversation devant le moment décisif d'agir. De ce point de vue, le PUM est le parti centriste le plus classique que nous avons connu en Europe, où toutes les autres caractéristiques tombent. Il n'avait pas de confusion idéologique sur l'État. Il était pour la dictature du prolétariat, réellement. Là où a été la tragédie, c'est que chaque fois qu'il fallait prendre une décision, une initiative dans la vie politique pour changer la situation dans le pays, ils hésitaient. Ils couraient derrière les événements, ils hésitaient avant d'agir, ils étaient toujours sages et conscients après coup. Après coup, ils disaient, on aurait dû faire ceci, on aurait dû apercevoir cela, il est arrivé ceci, il n'aurait pas fallu arriver cela, mais ils étaient incapables de prendre des initiatives décisives pour changer le cours des événements. Ça, c'est le centrisme sous sa forme la plus pure, la plus nette, et dans la meilleure des éventualités, dans le cas où il n'y a pas de traître, pas d'éléments corrompus, pas d'éléments capitulaires, comme à la droite du Parti Socialiste indépendant allemand, il y en avait toute une série. Enfin, il suffit de nommer le nom Kautsky. Tout de même, entre Kautsky et Andrés Nin, il y a une différence, je dirais, énorme. On peut difficilement placer ces deux individus. Nin est un révolutionnaire honnête, c'est quelqu'un qui veut la révolution socialiste, pas du tout quelqu'un qui veut négocier ou concilier avec la bourgeoisie, qui se trompe, mais surtout, essentiellement, qui est caractérisé par l'indécision, l'incapacité de la faiblesse de volonté, je dirais. Hein. Ça, pour Martov, Lénine et surtout Trotsky font la même définition. C'est presque une maladie de la volonté. Mais ceci dit, je suis entièrement d'accord pour dire qu'avec le centrisme, on se bat idéologiquement, Avec l'avant-garde ouvrière large, on ne se bat pas idéologiquement. Ça, c'est toute autre chose. On essaie de la gagner. On essaie de la gagner. Nous ne reconstruirons aucun parti révolutionnaire de masse dans aucun pays sans assimiler l'essentiel de cette avant-garde ouvrière large. Je dirais même plus, c'est une formule que j'ai déjà utilisée dans le petit livre, enfin, la grande brochure sur la conscience des classes et le léninisme. Moi, je suis convaincu que la création du parti révolutionnaire de masse est la fusion entre les cadres et le programme des noyaux révolutionnaires qui existent et cette large avant-garde. C'est ça le parti révolutionnaire de masse. Ça ne veut pas dire avec tous les individus, ça, il y aura une sélection, mais en gros, on ne dirige pas la classe ouvrière avec des cadres, parachutés de l'extérieur. Ça peut réussir à la rigueur dans des pays où la classe ouvrière est faible et a peu de tradition, mais dans des pays comme les pays d'Europe occidentale, ça paraît inconcevable. C'est-à-dire, si on ne réussit pas à gagner les meilleurs des dirigeants naturels de la classe, qui changent d'ailleurs, dans une période révolutionnaire, il y a glissement. Ce ne sont pas les mêmes que dans la période calme, autrement ce serait une entreprise impossible. Mais même dans la période révolutionnaire, il y a des cadres naturels, il y a des dirigeants naturels de la classe ouvrière dans les usines. Si on ne réussit pas à fusionner avec eux, c'est-à-dire à les gagner pour le programme et pour l'organisation révolutionnaire, on ne réussit pas à avoir un parti révolutionnaire de masse. On continuera à être un petit parti dans le meilleur des cas ou une grande ligue dans le pire des cas. Mais ce qu'on a vu à cette époque, alors pas seulement en Allemagne, c'est un phénomène universel en Europe, c'est l'émergence à travers la guerre et la crise d'après-guerre, d'une nouvelle direction ouvrière au niveau des entreprises. Une direction ouvrière. Nous parlons, quand nous disons, nous parlons de ces hommes de confiance révolutionnaires, ça n'a rien à voir avec de jeunes ouvriers rebelles qui dirigent par-ci, par-là une grève sauvage. Ce sont les dirigeants reconnus de la classe ouvrière au niveau des usines. C'est une toute autre catégorie. L'émergence de cette nouvelle couche de dirigeants ouvriers au niveau d'entreprise et au niveau local, ça c'est une épreuve décisive pour nous, pour notre courant. Si nous considérons que la forme d'organisation soviétique est la forme naturelle qu'adopte la classe ouvrière dans une situation révolutionnaire dans laquelle elle entre collectivement en action, ce n'est plus du tout miraculeux. Il faut se poser la question simplement suivante. Comment voulez-vous que les ouvriers s'organisent autrement que dans l'équivalent de conseils ouvriers lorsque 3 ou 4 fois plus de gens entrent quotidiennement en action que ceux qui sont dans les syndicats? Dans un parti, manifestement non, parce que c'est beaucoup trop petit. Dans le syndicat, non, parce que le nombre de gens qui sont en action est beaucoup plus grand. Il faut donc trouver des formes d'organisation d'ensemble de la classe, des formes d'organisation d'unité de l'ensemble de la classe. Et dans une situation révolutionnaire, la forme d'organisation soviétique est la forme la plus appropriée. C'est ça la conclusion que nous tirons de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Nous disons justement, contrairement à ce que prétendent tant d'idéologues, le soviet n'est pas une invention simple du camarade Trotsky ou une obsession des trotskistes, mais c'est la forme naturelle que se donnent les ouvriers quand ils entrent en action collective, générale, universelle dans une période révolutionnaire. L'histoire le confirme, la première fois c'est un hasard, la deuxième fois c'est une coïncidence, la troisième fois ça devient bizarre, la dixième fois on ne peut que tirer la conclusion à faire. C'est une forme absolument universelle et nous nous sommes battus là-dessus, nous avons présenté des perspectives, des prévisions, on nous a ridiculisés encore dans les années 60, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les travailleurs de s'organiser universellement, sans distinction de parti, d'appartenance ou de non-appartenance au syndicat, que la forme soviétique. Ça, c'est la leçon de l'histoire. Dans ce sens, je dois dire qu'en Allemagne, c'est beaucoup moins miraculeux que nulle part ailleurs, parce que là, c'est peut-être le seul endroit où c'est ajouté à cette tendance naturelle et spontanée, un projet délibéré de plusieurs milliers de gens bien encadrés dans les usines et qui ont travaillé 2 ans durant d'une manière tout à fait délibérée dans ce but. Là, il y a quelque chose à apprendre pour nous. C'est pour ça que nous avons tellement insisté dans le document européen et c'est pour ça que toute la ligne de l'international et de sa section française est tellement obsédée aujourd'hui par la question de l'auto-organisation des travailleurs, des comités de grève, des assemblées générales de grévistes, parce que nous sommes convaincus qu'il suffit que quelques milliers d'ouvriers d'avant-garde aient passé par cette expérience aujourd'hui pour que l'émergence de conseils ouvriers dans la prochaine crise révolutionnaire non seulement sera certaine, mais qu'elle sera de moins en moins spontanée et laissée au hasard et de plus en plus consciemment préparée avec un poids de cadre révolutionnaire qui, dès le départ, sera un poids très très décisif, sera très très important pour l'orientation de cette lutte et pour empêcher les réformistes ou les néo-réformistes staliniens de dévier le mouvement. La résistance du SPD, attention, là encore, le SPD s'est comporté d'une manière machiavélique. Il a changé d'attitude, il a voulu s'opposer à la création des conseils ouvriers. Il y a une histoire un peu amusante, le commandant, un général, je ne me rappelle plus son nom, enfin, peu importe, c'est un imbécile, un général de l'armée impériale, vous allez voir que c'est un imbécile, un général de l'armée impériale fait placarder sur les murs de Berlin le 3 ou le 4 novembre. Il nous est parvenu que des éléments subversifs préparent la constitution de conseils ouvriers. Nous voulons attirer leur attention sur le fait qu'il y a l'état de siège en Allemagne, que c'est strictement clandestin, que tous ceux qui s'occupent de cela transgressent la loi et que la loi va les frapper avec toute sa dureté. C'est-à-dire, il leur dit, la révolution c'est quelque chose contre la loi, ne faites pas la révolution si vous ne voulez pas risquer une amende ou même une petite peine de prison. C'est un imbécile, manifestement. Mais les sociodémocrates font la même chose. Les sociodémocrates distribuent encore dans les usines, jour après jour, à la fin d'octobre, au début de novembre, des tracts d'ailleurs qui font beaucoup de bien aux révolutionnaires, disant la même chose et répandant l'idée. Disant, il nous revient qu'une petite minorité insignifiante s'occupe de préparation de conseils ouvriers. Ce n'est pas la voie par laquelle passe le mouvement ouvrier allemand. Méfiez-vous des mauvais bergers, etc. Excellent service d'ailleurs qu'ils rendent aux révolutionnaires en répandant et en popularisant le mot d'ordre dans toute une série de secteurs que les révolutionnaires eux-mêmes ne peuvent pas toucher. Mais dès que les premiers conseils commencent à se constituer, une fois de plus, les sociodémocrates changent. Et ne s'opposent pas. S'ils s'étaient seulement opposés, pourrait-on dire, ils auraient été dehors le 9 novembre et l'histoire aurait pu prendre une autre tournure. L'avant-garde lâche peut être gagnée par les révolutionnaires, directement, sans passer par un intermédiaire centriste. L'exemple le meilleur, vous le connaissez, c'est l'exemple russe. En Russie, l'avant-garde n'est jamais passée. L'avant-garde ouvrière n'est jamais passée par un intermédiaire menchevique. Les menchéviques et les socio-révolutionnaires gagnent une énorme influence de masse dans les couches nouvellement radicalisées, après février, mais l'avant-garde ouvrière, les dirigeants, les ouvriers les plus combatifs dans les entreprises, sont bolcheviques dès février 1917. Et c'est eux qui, d'ailleurs, qui vont déterminer tout le processus, à commencer par la victoire de Lénine contre la droite bolchevique avec les thèses d'avril, parce qu'eux, ils donnent un appui total à Lénine, ils lui permettent de reprendre le parti en main, et ils déterminent toute l'évolution ultérieure dans le pays. Mais ce n'est pas du tout le seul cas. Il y a toute une série de pays d'Europe où après 1919, pratiquement sans rupture de continuité, sans solution de continuité, il y a le gros de l'avant-garde ouvrière qui passe de la deuxième à la troisième internationale sans passer par le centrisme. Si au départ de la radicalisation, les révolutionnaires sont si peu nombreux, si peu implantés, si peu connus, qu'ils ne font pas le poids par rapport aux centristes, alors la cause est entendue d'avance, et c'est ça le cas de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous voulez que quelques milliers de spartakistes, même pas, j'exagère, vraisemblablement pas plus que 1500 ou 2000, dans les entreprises, représentent par rapport aux dizaines et dizaines de milliers de cadres du Parti Socialiste Indépendant? Entre ces deux-là, on ne peut même pas choisir. Personne ne quitte une organisation de 200 000, 300 000 membres, surtout si elle a un programme qui est pratiquement identique au programme communiste, pour aller adhérer à une toute petite organisation à côté. Il faut au moins une expérience historique avec l'échec, la faillite de cette grande organisation centriste avant que cette deuxième mutation puisse se faire.